Les Nuits Terribles par Alphonse Brault. Deuxième série, Les Compagnons de l'Arche. Première partie, Le Poison Mystérieux. Chapitre 1er, Le départ du docteur Cavarox. Un an s'était écoulé depuis le mariage de Miss Million avec son ancien défenseur, Maître Maxou. Cette union, qui avait été précédée par de si tragiques événements, pouvait être citée parmi les plus heureuses. L'amitié en servant de préface à l'amour l'avait revêtue d'un caractère durable. D'un autre côté, les jeunes époux avaient donné à leur vie le but le plus élevé et le plus noble, et grâce aux millions provenant de l'héritage de Sir John Colfax, ils avaient dans leurs mains le levier le plus puissant pour faire le bien, l'or. Leur temps se passait à rechercher les misères imméritées afin de les soulager, et l'hôtel de la place des Vosges, qu'ils habitaient pendant une grande partie de l'année, était devenu le centre actif d'une bienfaisance qui se répandait incessamment sur les quartiers populeux qui l'entouraient. La maison de Madame Renaud s'était agrandie. Il avait été nécessaire d'acquérir plusieurs immeubles voisins pour loger les membres de la colonie sans cesse augmentée. Encouragé par ses premiers résultats, M. et Mme Maxou avaient fondé d'autres refuges dans les quartiers excentriques à Belleville, à Ménilmontant, à Montrouge et à Charonne. De grands établissements s'étaient ouverts pour recueillir les nombreux enfants abandonnés de la grande cité et leur enseigner l'amour du travail, cette source inépuisable dans laquelle l'homme se régénère. Ici, des ateliers de reliure, de menuiserie et de fabrication de meubles, là, des maisons de confection pour femmes et des maisons de bijouterie. Toutes ces créations philanthropiques prospéraient et leur prospérité était due surtout à la sage direction des personnes placées à leur tête. Bien plus, loin d'être une charge pour leurs fondateurs, elles rapportaient des bénéfices qui devenaient l'avoir commun de chaque colonie. Les ouvriers et les ouvrières, après avoir terminé leur apprentissage, recevaient un pécule qui leur permettait plus tard soit de se marier, soit de s'établir à leur compte. Une aussi vaste organisation exigeait, on le comprend, une multiple surveillance. L'ancien clerc de notaire, Salabert, arraché par Maître Maxou à ses loisirs champêtres, l'ex-reporter Martineau était devenu des inspecteurs actifs et dévoués. Chaque mois, les époux millionnaires réunissaient leurs collaborateurs à un dîner où se discutaient les améliorations à apporter, les nouveaux établissements à fonder. C'est à l'une de ces réunions que nous allons faire assister le lecteur. « Avez-vous quelques projets à soumettre au conseil ?» demanda la belle Madame Maxou à ses coopérateurs. « Les ateliers de menuiserie et d'ébénisterie dont j'ai la surveillance » prennent chaque jour une grande extension, répondit Martineau, et c'est à peine si nous pouvons suffire aux commandes. Toutefois, l'élément artistique y fait défaut, et je crois qu'il serait utile d'ouvrir un atelier de sculpture sur bois pour les meubles de luxe. Cette amélioration, outre qu'elle serait fructueuse, servirait à compléter l'éducation de nos jeunes apprentis. Faites, vous avez le champ libre, répliqua Flavia. Il vous suffira de vous adresser à mon banquier pour pourvoir aux premières dépenses d'installation et d'aménagement. Moi, dit à son tour l'ancien clerc de notaire, j'aurais à vous proposer de donner plus de développement à nos maisons de confection. Jusqu'à ce jour, nous avons employé les tissus que nous livrait l'industrie. Ces tissus non seulement coûtent fort cher, mais souvent leur qualité est défectueuse. On pourrait facilement obvier à ce double inconvénient en fabriquant nous-mêmes nos tissus. Cette pensée m'était venue également, mon cher Salabert, répondit Maxou. Désormais, nous formerons des tisseurs qui, par la suite, pourront créer entre eux des associations en participation, ainsi que la chose existe en Angleterre. C'est du socialisme au premier chef, cela, fit en souriant l'héritière de Sir Colfax. Mais c'est du bon socialisme. Nous commanditerons ces associations et nous réaliserons ainsi l'union féconde du travail et du capital. Madame Renaud, qui était admise à ses séances intimes, n'avait encore rien dit, mais on voyait au mouvement des lèvres de l'excellente femme qu'elle avait elle aussi quelques petits projets à soumettre à l'Assemblée. « À votre tour, ma chère Madame Renaud, » fit Maître Maxou, qui avait deviné le désir de la digne fabricante de fleurs artificielles. En ce moment, un domestique entra, tenant à la main une carte de visite. À peine Maxou eut-il lu le nom qui s'y trouvait inscrit, qu'il donna l'ordre de faire entrer le visiteur. « C'est notre vieux camarade, le docteur Cavarox, que nous n'avons pas vu depuis un siècle, » dit-il à ses amis. « Ce cher savant, qu'il soit le bienvenu, » ajouta Flavia. « Hourra pour Cabarrox ! S'écria Salabert, qui, dans l'exercice de ses graves nouvelles fonctions, n'avait pas complètement perdu sa joviale pétulance d'étudiant en droit. L'entrée du célèbre médecin fut acclamée aussi chaudement qu'autrefois le retour de l'enfant prodigue au foyer paternel. Toutes les mains pressèrent les siennes, et les questions tombèrent sur lui comme grêle au mois de juillet. C'était à ne plus s'entendre dans ce déluge d'interrogations se succédant sans trêve les unes aux autres. « Mes amis, » dit-il, lorsque le calme se fut rétabli, « je pars demain pour un long voyage, et je n'ai pas voulu quitter la France sans vous faire mes adieux. » La foudre aurait éclaté au milieu du salon qu'elle n'eût pas produit un effet plus grand que ses paroles, et on le comprendra aisément. Cabarrox était en ce moment le docteur à la mode. Son cabinet de consultation était envahi du matin au soir, et pas de cas désespéré qu'il ne fût aussitôt appelé. Enfin, sa spécialité comme aliéniste lui avait conquis la plus méritée des renommées. Quelle pouvait donc être la cause de ce subit départ? L'explication ne se fit pas longtemps attendre. « Chère dame, dit-il en se tournant vers Flavia, les événements auxquels j'étais mêlé autrefois en devenant l'un de vos auxiliaires m'ont donné beaucoup à réfléchir. Lorsque j'ai vu le noble emploi que vous faisiez de votre immense fortune, la pensée m'est venue de remplir, à votre exemple, un rôle utile dans le monde. Vous combattez le mal à coups de millions. Moi, je ne puis le combattre qu'à coups de science, et c'est pour augmenter mon trésor scientifique que j'ai résolu de quitter la France afin d'explorer les vastes espaces qui appartiennent encore aux tribus indiennes, car c'est au milieu d'elles que j'espère découvrir le moyen de guérir la folie. Vous avez fait cependant des cures merveilleuses en ce genre, répliqua la belle Madame Maxou, et je pourrais, entre autres, citer Ben Ismaël, l'imam du Caucase, que vous avez rendu à la raison. Cette cure n'était qu'un accident heureux, repartit Cabarrox. Si j'ai réussi, c'est parce que je connaissais le secret du poison des sultans. Pauvre science que la mienne, continua-t-il, puisque je n'ai su deviner la substance qui avait plongé votre protégée Irène, aujourd'hui duchesse de Ballombreuse, dans un sommeil pareil à la mort. Ces deux faits marquants de ma carrière médicale n'ont eu d'autre résultat que de me prouver ma profonde ignorance pour tout ce qui touche aux causes mystérieuses des maladies du cerveau. Et c'est en Amérique que tu comptes trouver le secret de guérir l'aliénation mentale ? Lui demanda Salabert d'un ton d'incrédulité. « Je sais, répliqua l'illustre praticien, que les peuplades indiennes connaissent une plante, ou pour mieux dire, un poison, qui a la propriété terrible de rendre fou. « Soit, dit Martineau, mais donner la folie, ce n'est pas la guérir. Alors tu nies l'action du vaccin. C'est donc par le poison qui amène la folie que tu espères l'enrayer ? Demanda maître Maxou. « Je suis le partisan de la doctrine d'Hahnemann, qui enseigne que les semblables doivent être traités par les semblables. « Similia similibus curantur. Aussi, j'en ai la conviction profonde, le remède de la folie doit se trouver dans la plante qui la donne. C'est possible, après tout, chez ceux dont la folie a été inoculée par l'absorption des sucres de cette plante, mais pour les autres, pour ceux chez lesquels la folie s'est déclarée naturellement. Pour cela, l'effet doit être le même. » Cabarrox, après avoir prononcé ces mots d'une voix pour ainsi dire prophétique, se leva. « Adieu, madame, » dit-il à Flavia. « Adieu, mes amis. Dieu seul sait quand nous nous reverrons, si jamais nous devons nous revoir. Pourquoi nous quitter si tôt puisque tu ne pars que demain ?» reprit Maxou. « Donne-nous au moins ta soirée et reste digne avec nous. »« Impossible, mon cher et vieux camarade, » répondit le célèbre docteur. « J'ai quelques préparatifs à achever et une dernière visite à faire à l'un de mes anciens malades. » Puis, ayant pressé tour à tour et non sans une émotion contenue toutes les mains qui se tendaient vers lui, il sortit du salon. Une voiture de remise l'attendait à la porte de l'hôtel de la place des Vosges. « Rond-point des Champs-Élysées, avenue Gabriel, » dit-il au cocher. Le cocher fouetta son cheval et gagna les boulevards. Arrivé devant l'église de la Madeleine, il prit la rue Royale, et quelques minutes après, il s'arrêtait avenue Gabriel devant la grille d'un petit hôtel. Le concierge avait sans aucun doute été prévenu de la visite, car il ouvrit dès que la voiture s'arrêta. Sur le perron, un domestique en grande livrée attendait. Il accourut et conduisit le visiteur dans un salon qui donnait sur le vestibule. « Monsieur le docteur Cabarrox, » annonça-t-il. Deux personnes étaient dans ce salon. Un homme, vert encore, quoiqu'il eût dépassé la cinquantaine, parcourait un journal. En face de lui, À l'autre coin de la cheminée, une jeune fille adorablement belle travaillait à un ouvrage de tapisserie. L'homme, en entendant prononcer le nom du docteur, se leva et alla à sa rencontre, les mains tendues. La jeune fille, dont une légère rougeur colora le visage charmant, fit un gracieux salut à leur visiteur. « Les journaux m'ont appris hier votre départ de Paris, » dit le maître de la maison. « Je suis accouru du fond de mon désert pour vous serrer la main, mon cher docteur, et mademoiselle de Croix-Marie, ma nièce, a tenu à m'accompagner. » « Vous me rendez confus, monsieur le marquis, » répondit Cabarrox en pressant la main du vieux gentilhomme et en s'inclinant respectueusement devant la jeune fille. « Je devais bien un souvenir à celui qui, il y a 6 mois, a quitté Paris à mon appel et qui, sans me connaître, est venu en Bretagne pour me donner ses soins. » repartit le marquis de Kerdal. « Je n'ai fait là que ce que tout autre eût fait à ma place. Vous avez fait un miracle, cordieux, car tous vos confrères m'avaient condamné et vous m'avez rendu la vie. » Ces choses-là ne s'oublient pas. Mais puisque votre modestie s'effarouche, laissons votre miracle de côté. Ce rendez-vous que je vous ai donné ici, en dehors du plaisir de vous revoir, a un motif intéressé qui concerne particulièrement ma nièce et pupille. Mademoiselle de Croix-Marie rougit de nouveau et plus fort que la première fois. « Je vous écoute, monsieur le marquis, » répondit le célèbre praticien. « Pendant votre séjour au château de Kerdal, vous m'avez souvent parlé de votre dessein de visiter un jour l'Amérique. « C'est à l'Amérique, en effet, que je vais me rendre, » reprit Cabarrox. « Eh bien, j'aurai à vous charger d'une mission près d'un de mes vieux amis et parents, le duc de Clodion, qui habite le Mexique depuis de longues années. En quoi consiste donc cette mission, monsieur le marquis ?»« Le duc a un fils, et moi, j'ai dans Fernande non pas une nièce, mais une fille. Tous deux ne se connaissent encore que par leurs portraits qu'ils ont échangés. Mon vieil ami m'a écrit que son fils Jean s'était pris d'une vive passion pour ma nièce à la vue de son portrait. Ignorant votre départ, je lui ai répondu il y a quelques jours que Fernande l'agréait pour son fiancé, et je vous prierai de lui confirmer de vive voix le désir que j'aurais qu'il revînt le plus promptement possible en France, afin que nos deux familles n'en fissent plus qu'une. « Je remplirai fidèlement votre commission, monsieur le marquis, » dit le docteur Cabarrox. « Mais où trouverai-je le duc de Clodion ?» À l'hacienda du Rio Verde, à peu de distance de la petite ville de San Antonio. Cabarrox tira son portefeuille de sa poche et il inscrivit le nom de la ville et celui de l'hacienda. Puis, s'approchant de la jeune fille, « Mademoiselle, si le portrait envoyé à votre fiancé laissait à désirer, vous me permettriez, n'est-ce pas, de faire les retouches nécessaires et de lui apprendre en même temps combien est précieux le trésor qu'il lui a réservé. » « Docteur, » répondit Fernande en surmontant son émotion, « je vous autorise à dire à mon cousin Jean de Clodion que les lettres qu'il a adressées à mon cher oncle et que j'ai lues me donnent toute confiance dans la droiture de son caractère, dans l'élévation de ses sentiments et que je serai heureuse de le connaître. » « Voici vos lettres de créance signées, monsieur l'ambassadeur, » ajouta le vieux gentilhomme en serrant de nouveau la main du docteur. « Elles arriveront avant 4 mois à leur adresse, monsieur le marquis. » reprit le célèbre praticien en se dirigeant vers la porte du salon, et je ne doute pas de l'accueil empressé qu'il leur sera fait. « Quand vous reverra-t-on, mon jeune ami ?» dit M. de Kerdal en le reconduisant. « D'ici à 2 ou 3 ans, si messieurs les sauvages ne s'avisent pas de vouloir faire de moi un de leurs déjeuners d'apparat, » répondit Cabarrox en riant. « Bah !» repartit malicieusement le vieux gentilhomme. « Un médecin tué sans l'ordonnance de la faculté, ce serait le monde renversé. » Maintenant que nous avons présenté à nos lecteurs le marquis de Kerdal et sa nièce Fernande de Croix-Marie, qui rempliront des rôles importants dans ce qui va suivre, nous franchirons, en quelques traits de plume, le temps et ses distances, et nous nous transporterons à San Antonio, où se prépare dans l'ombre un drame de famille étrange, terrible, qui se nouera et se dénouera à Paris.